Réponse numéro 13. La foi en Allah, c'est de croire avec conviction qu'Allah est unique dans sa seigneurie, dans sa divinité et dans ses noms et attributs. Donc elle inclut les trois types de monothéisme, tawhid, source, al-irshad et la sahih al-i'tiqad de Cheikh Saleh al-Fawzan. Al-iman billah. هو الاعتقاد الجازم بوحدانية الله تعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته فيتضمن أنواع التوحيد الثلاثة المصدر الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للشيخ صالح الفوزان